Chapitre 151. L'invocation après avoir fermé les yeux du mort. 919. Salama, radiyallahu anha, rapporte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se rendit auprès d'Abu Salama, radiyallahu anhu, et le trouva mort, les yeux écarquillés. Il lui ferma les yeux, puis dit, « Quand l'individu rend l'âme, il la suit du regard. » Certains membres de sa famille commencèrent alors à pleurer à voix haute. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit, « N'appelez sur vous que le bien, car les anges disent « Amin », ainsi soit-il, à chacune de vos invocations. » Puis il dit alayhi salatu wassalam, « Ô Allah, pardonne à Abu Salama, élève son rang parmi les bien guidés et sois son successeur auprès de sa descendance. » Pardonne-nous ainsi qu'à lui, ô Seigneur de l'univers, élargis-lui sa tombe et emplis-la lui de lumière. Muslim.